Vous écoutez Radio Campus Lille, il est midi. Votre attention, s'il vous plaît. Veillez à ce qu'il n'y ait aucun obstacle qui gêne la retransmission d'angle d'attaque et que rien ne s'oppose à l'ouverture à une autre vision du monde. Angle d'attaque, tous les troisièmes samedis du mois, de 12h à 13h sur Radio Campus. Bonjour, il est midi à l'horloge de Radio Campus et vous écoutez sur 106,6 MHz. C'est possible aussi sur campuslille.com. Vous écoutez, dis-je, Angle d'attaque, une émission d'Attaque Métropole. Attaque, A2TAC, l'association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Pour vous servir, Romanette, le maître du temps, Florent, qui nous donnera le tempo, les rendez-vous militants à la fin de l'émission et nous proposera une chanson. Ludovic n'est pas là, il est au fond de son lit. On l'embrasse, voilà. Une fièvre soudaine l'a frappé. Louis, bien sûr, est là. Bonjour, Louis. René, forcément. Oui, bonjour. René, dit René la science, et moi, Christian, qui vont donc animer cette émission. De quoi parlons-nous aujourd'hui ? À Attaque, si nous nous gardons de nous prononcer pour un parti ou un candidat, une candidate, ou même si nous allons voter, nous sommes quand même très intéressés par la politique. Et je vous en donne la preuve. Aujourd'hui, nous allons parler de sociologie électorale. Oui, évidemment, c'est pas facile comme titre, c'est pas vraiment sexy non plus, mais nous n'avons pas cherché à avoir un titre plus simple, parce que c'est de ça dont nous voulons parler, et ce, en pleine campagne électorale, ce qui, évidemment, ne vous aura pas échappé. À quasi chaque élection sur les télévisions régionales et nationales, il est présent pour analyser les résultats électoraux du moment. Il est aussi délégué ministériel au parcours d'excellence. Ça veut rien dire comme ça, mais quand on sait qu'il s'agit d'aider les étudiants les moins favorisés socialement à accéder à l'enseignement supérieur, ça parle plus et on s'en félicite. Tant il y a du boulot à faire. Ce boulot, il l'a initié quand il était directeur de Sciences Po à Lille, et il est toujours enseignant puisqu'il est professeur des universités. Bonjour Pierre Mathiot. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et de nous faire part de vos connaissances. Vous êtes logé dans un bien beau bâtiment, dites donc, à Sciences Po. Oui, ben maintenant, avant ouais, c'était plus compliqué, mais maintenant on a un peu souffert et on mérite, je crois, d'être là où on est. Et ça n'a pas coûté aussi cher que ça, malgré effectivement la beauté des lieux. Ah bon, écoutez, j'ai pu en allant visiter, je connais très bien le bâtiment, j'en étais un peu le dirigeant à un moment, mais bon voilà. On va passer quand même aux questions concernant la sociologie électorale. Il y a plusieurs thèmes qui nous ont intéressés et on va commencer, bon, normalement c'est normal, c'est par le premier, où on a plusieurs figures de l'électeur, et une nous a intéressé particulièrement, et en particulier Ludovic qui a préparé l'émission, c'est la figure de l'électeur stratège, qu'on appelle également l'électeur rationnel. On en sait un peu plus ? Alors, vous voulez que je résume de quoi il s'agit ? En gros, c'est une manière d'analyser le comportement électoral qui s'est développée à partir des années 70-80, notamment à partir des États-Unis, et qui a eu comme point de départ le constat que les électeurs se comportaient de moins en moins sur la base, disons, de leur appartenance de classe initiale, hein, qu'il y avait des électeurs qui, de plus en plus, agissaient de façon un petit peu individualiste et choisissaient le candidat ou le parti pour lequel ils votaient, non pas en fonction de leur appartenance de classe initiale, en fonction de ce que leurs parents avaient voté, de ce que leurs amis avaient voté, mais en fonction de, disons, de préférences personnelles très particulières selon l'élection. C'est-à-dire, en gros, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes extrêmement attentif à ce que l'impôt sur les sociétés baisse, je prends ça au hasard, et puis vous allez regarder parmi les candidats celui qui vous semble être le plus en phase avec ce que vous escomptez, et vous allez voter pour lui en ne regardant pas nécessairement autant que ça le reste de son programme, par exemple. Hein, voilà. Et ce qui fait qu'à l'élection suivante, vous pouvez tout à fait lâcher le candidat, enfin, ce candidat-là pour un autre, en fonction de ce que vous allez considérer comme étant votre intérêt maximal au moment d'une élection. Voilà. Donc c'est vrai que cette comment dire, cette analyse-là, elle, bien sûr, elle a aussi accompagné la remise en cause du clivage droite-gauche, le fait que les électeurs, une partie des électeurs, vous me passez l'expression, se baladent un peu dans l'espace politique, ne votent pas, votent plutôt pour la gauche radicale et ensuite peut-être pour un candidat socialiste ou alors un candidat écolo, parfois même franchissent le Rubicon et vont voter pour un candidat centriste, voire de droite, voire d'extrême droite. Et donc on essaye en fait depuis une trentaine d'années de comprendre pourquoi ça se passe comme ça maintenant et de faire un peu le deuil d'une analyse antérieure du comportement électoral qui était une analyse très très centrée sur appartenance de classe égale en gros présomption très très forte de voter PC, PS ou à droite. Voilà. Oui, je pense qu'on y reviendra peut-être un peu à cette histoire-là. Et est-ce qu'on on estime le volume d'électeurs rationnels ou stratèges ou c'est compliqué ? J'imagine que c'est pas si simple que ça quand même. C'est pas si simple que ça. Alors, je vous donne un chiffre. En 2007, en France, donc à l'élection présidentielle de 2007, il y avait des collègues chercheurs en sciences politiques français qui avaient suivi en fait une cohorte d'électeurs de 6 mois avant l'élection jusqu'à l'élection, en leur demandant régulièrement pour qui. Au moment T, à chaque fois, ils avaient l'intention de voter. Et sur 60% avaient modifié ou ont modifié leur choix entre 6 mois avant le jour de l'élection. 60% se sont baladés entre je vote, je m'abstiens, je vote pour tel candidat à gauche, je reste à gauche mais je change de candidat, je reste à droite mais je change de candidat. Vous voyez, donc 60%. Alors on ne peut pas nécessairement dire que ces 60%-là, ce sont les électeurs stratèges. Ce qu'il est clair, c'est que la part de ces électeurs qui se baladent un peu et qui vraiment modifient leur vote, même parfois de façon assez importante d'une élection à l'autre, cette part, elle est croissante. C'est tout à fait évident. Alors on dit qu'aujourd'hui, 40% des électeurs ne savent pas encore pour qui ils voteront aujourd'hui, pour ces élections présidentielles. Est-ce que ça fait partie de cela ou ils en font partie nécessairement ? Oui, je pense que c'est plus que 40% au moment où on se parle. Ouais. Je pense qu'il y a plus de 40% des électeurs inscrits sur les listes électorales qui ne savent pas encore ce qu'ils vont faire. Là-dedans, il y a bien entendu ceux qui ne savent pas encore s'ils vont voter ou pas. Oui. Mais 40%, et quand vous regardez les intentions de vote ou la sécurité des intentions de vote pour chacun des candidats, vous avez vu qu'à l'exception de Marine Le Pen qui bénéficie d'une fidélité extrêmement élevée, vous avez des candidats, notamment Emmanuel Macron ou Benoît Hamon, qui sont en dessous de 40%. De ceux qui aujourd'hui leur disent je vais voter pour eux, qui sont sûrs de le faire. Donc ça veut dire qu'il y a une très grande volatilité des comportements électoraux et on sait maintenant que de plus en plus souvent une partie non négligeable des électeurs se décide au dernier moment, la veille ou le jour même du vote. René. Oui, donc cette volatilité des électeurs s'explique sans doute par la montée de l'individualisme et de le fait de privilégier ses propres intérêts. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi l'influence des médias et des sondages ? Alors, ça, je pense que ça s'explique par ce qu'on appelle de la désaffiliation, c'est-à-dire qu'en gros, les électeurs, jusque dans les années 70, se sentaient très directement liés à tel ou tel parti, parce qu'ils considéraient que le parti en question représentait leurs intérêts de classe, leurs intérêts même personnels, d'accord ? Donc, pour expliquer les choses très simplement, le Parti communiste, vous étiez ouvrier, vous considériez que le Parti communiste représentait vos intérêts, et vous votiez pour lui. Vous votiez d'autant plus pour lui que le parti était organisé, structuré, vous accompagnait votre vie de tous les jours, etc. Donc ça, on a assisté depuis 30, 35, 40 ans à une désaffiliation liée à cela. Aussi parce que les partis, sauf quelques-uns, sont de moins en moins identifiables en termes de ligne idéologique. C'est devenu quand même un peu compliqué, notamment si on parle des partis de gouvernement, qui parfois naviguent un peu. Bon, après, vous parlez des sondages, ou vous parlez des médias. Sur les médias, il y a beaucoup de travaux, qui ne sont pas tous d'accord entre eux, sur l'influence que les médias peuvent avoir sur les choix électoraux. Alors quand on dit médias, maintenant, il faut aussi, bien sûr, faire une part très particulière pour les réseaux sociaux. Parce que les médias, c'est la télé, mais c'est plus la presse. La presse écrite aujourd'hui, alors les plus anciens présents ici, je pense, lisent encore la presse, même parfois ils la lisent sur leur tablette, mais ils lisent la presse écrite, mais de plus en plus souvent c'est la télé qui a de l'influence, mais encore plus les réseaux sociaux. Et quand on sait que sur les réseaux sociaux il y a un peu de tout et n'importe quoi, et notamment de plus en plus ce qu'on appelle la post-vérité, les sites un peu complotistes, etc. Alors sur les sondages, je crois qu'il y a d'autres questions qui vont arriver après, mais la grande question c'est l'influence que les sondages peuvent avoir sur l'élection. Il est évident, mais on n'arrive pas à le mesurer précisément, mais il est assez évident que pour une partie des électeurs, l'information que donne un sondage est une information qui peut influencer le choix d'un électeur. Je prends un exemple très simple. Vous avez peut-être l'intention de voter pour un candidat dont les sondages disent qu'il est écrasé, qu'il aura un très très faible score, vous pouvez être sensible à, la, à l'utilité entre guillemets de votre vote et de vous dire bon, celui-là je l'aime bien, c'est plutôt mon candidat préféré, mais on le donne à 1, 1,5, 2%, donc mon vote va avoir extrêmement peu d'importance. Peut-être vaudrait-il mieux que j'aille voter pour un candidat dont les sondages disent qu'il a peut-être des chances d'aller au deuxième tour, voire de l'emporter. Là, il y a un côté vote utile, utilitaire. Alors, utile, d'ailleurs, vous savez bien que depuis 30-35 ans, beaucoup de partis, notamment les partis importants, ont fait appel au vote utile. Vous savez, quand souvent les socialistes, par exemple, disaient aux électeurs écolos, bon, n'allez pas voter écolo, de toute façon, ils sont bien gentils, mais ça sert à rien, venez voter pour nous dès le premier tour, parce que de toute manière, bon. Et ça, c'est renforcé, bien sûr, dans les modes de scrutin majoritaires. Parce que quand vous êtes sur un scrutin majoritaire, ça sert à rien de faire 2%, vous n'aurez aucune représentativité, ou 5%. D'accord, parce qu'il faut gagner l'élection. Sur un scrutin à la proportionnelle, là pour le coup, bien entendu, l'argument du vote utile se casse la figure parce que un candidat qui va faire 5% va avoir des élus. Vous comprenez? Donc c'est vrai que dans le modèle français où le scrutin majoritaire est quand même dans les têtes très présent, même s'il y a scrutin proportionnel en réalité, hein, les européennes, les régionales, les municipales. En France, on est très marqué par le scrutin majoritaire. Et c'est vrai que l'appel au vote utile dans les années récentes, ça a été quand même un des symptômes quand même de la crise des partis traditionnels, puisque comme ils n'avaient plus trop d'arguments pour attirer les électeurs à eux, ils ont eu tendance à dire écoutez, votez pour nous même si on n'est pas les meilleurs, parce qu'au moins nous on est à peu près sûr d'être au pouvoir. Donc arrêtez d'aller voter pour les petits partis. Voilà. Donc on est dans ce modèle d'opposition. Et évidemment, l'argument du vote utile est de plus en plus présent. Oui, c'est vrai. Alors, on peut peut-être aussi parler. Donc, l'électeur stratège, il se situe où là-dedans? C'est compliqué de dire beaucoup de choses. Je pense qu'effectivement, on est dans une incertitude assez noire pour l'instant pour les élections. Tant mieux ou tant pis, j'en sais rien, d'ailleurs, on va voir. Mais on a une autre figure, c'est l'abstentionniste, Louis. Oui, absolument. Mais avant de passer à l'abstentionnisme, pour prolonger le propos de René, simplement, on s'éloigne une seconde de la sociologie électorale. Est-ce qu'avec cet électeur stratège, on n'est pas face à une véritable déception au sens où... est-ce que la démocratie est réductible à un procédé, à une vision fonctionnelle, ou est-ce qu'on ne devrait pas davantage attendre des électeurs qu'ils aient une vision organique de la démocratie et donc attendre d'eux un certain décentrement au moment d'aller voter dans l'idée d'une forme de bien commun, de voter pour ce qui est juste, plutôt que chacun, puisqu'on appartient tous à un corps politique, est-ce qu'on ne devrait pas attendre de l'électeur qu'il se rende aux urnes en se disant qu'il va contribuer au bien commun ? Question philosophique et politique en même temps. Bon, évidemment, je pense que chaque électeur met dans son comportement citoyen, dans le fait de voter, de ne pas voter, il se met lui-même. Donc il met sa culture générale, il met ses intérêts personnels, et il va de soi que selon qu'on est Bac+10, Bac+5, Bac-5, on n'a pas le même type d'investissement, la même compréhension des enjeux. Donc c'est vrai que quand, par exemple, vous dites voter, c'est avoir conscience du bien commun, et donc voter, c'est pas voter en tant qu'individu, mais c'est voter en tant qu'individu dans une collectivité. Donc être attentif à cela. Vous avez, je pense, raison en principe. Je pense pas que vous ayez raison en pratique, c'est-à-dire que énormément d'électeurs, lorsqu'on leur demande ce qui motive leur choix de vote, ne font pas du tout référence au bien commun, à l'intérêt général, à la vision de la France de demain. Si on prend le cas des élections en France, ils font référence à des enjeux qui sont des enjeux de très très grande proximité et même des enjeux de très très court terme. On va voter parce que on a vu à la télé qu'il y avait des migrants à Calais en 2002. On vote Le Pen ou Chirac parce qu'il y a un papy qui s'est fait agresser quelques jours avant l'élection et sur vous comprenez. Donc vous avez raison en principe. Là, vous êtes en train de camper la figure d'une espèce d'électeur idéal démocratique, d'un électeur qui se déposséderait de lui-même, qui se mettrait à distance de ses propres intérêts personnels pour placer dans son vote d'abord le souci d'une espèce d'intérêt général. Vous comprenez. Donc vous avez raison en principe. Je pense que vous avez tort. Vous avez tort quand on regarde effectivement ce qui motive le comportement électoral de la plupart des gens. Oui, mais... revenons sur cet électeur stratège. Est-ce qu'on pose la question à un électeur en disant « Est-ce que vous allez voter pour tel candidat ?» Il répond, l'exemple que tu as pris tout à l'heure, est-ce qu'on n'attend pas à ce qu'il réponde « Bah oui, j'ai entendu que machin allait baisser les impôts des sociétés, donc ça me va, donc je vote pour lui. » Je crois que... on est dans la philosophie, on est dans la psychologie. Je pense que les gens pensent quand même qu'ils votent pas seulement pour eux, non ? Oui, non, non. Je pense que les électeurs, en règle générale, quel que soit par ailleurs leur degré d'intérêt pour la politique, leur niveau d'études, leur capacité à comprendre la complexité du jeu, c'est vrai que les électeurs choisissent un candidat en fonction de ce qu'ils pensent que ce candidat va leur apporter à eux et va apporter à la société. Si on prend l'exemple des gens qui veulent voter Le Pen, qui sont donc ceux qui aujourd'hui sont les plus fidèles déjà d'ores et déjà là deux mois avant le vote, ce qui est quand même une source d'interpellation pour nous tous. Hein. Ce sont des électeurs qui évidemment, à la fois font un vote personnel. Je suis dans une situation très particulière. Je pense que c'est cette candidate-là qui va améliorer ou changer ma situation à moi, là où je suis. Puis en même temps, évidemment, ils considèrent que c'est cette candidate qui, par ailleurs, va transformer la société dans un sens auquel on adhère. Bien sûr, il y a les deux. Mais même nous, quel que soit le niveau, je dirais, d'études et de compréhension de la complexité politique, je pense qu'on est tous dans cette espèce de schizophrénie, en quelque sorte, du sociétal et du personnel. Tu nous parles des abstentionnistes, Louis. Oui. Concernant l'abstention, donc depuis une trentaine d'années maintenant, elle est devenue un phénomène marquant de la vie démocratique française. En ajoutant aux abstentionnistes les personnes qui ne sont pas inscrites sur les listes électorales et qu'on estime à environ 7% de la population, la non-participation avoisine régulièrement les 50% à l'occasion des différents scrutins, même les législatives. Pourtant, est-ce que le problème n'est pas d'autant plus sérieux que cette crise de la participation, elle n'est pas sociologiquement neutre? Et puisque ne pas voter obéit à de forts déterminismes constants dans le temps, cela aboutit à ce que la minorité votante ne soit plus représentative du corps électoral dans son ensemble. Et donc, est-ce qu'on peut considérer que l'abstention a pour conséquence de modifier substantiellement les résultats des élections ? Alors, ce qu'on peut dire, c'est que l'abstention, c'est une espèce d'auto-exclusion d'un droit qui est un droit à la citoyenneté, qui est un droit citoyen, puis en même temps une auto-exclusion dans sa capacité à peser sur sur la désignation d'un gouvernant, donc sur l'acte de gouvernement d'une société. Donc c'est vrai que ça pose bien sûr problème. Alors plusieurs choses. D'abord, on considère, mais là on peut se tromper, mais on considère que globalement, 10% seulement des abstentionnistes sont des abstentionnistes chroniques. Donc vous avez cité 7% de gens qui ne seraient pas inscrits sur les listes électorales. Donc ça fait des gens qui sont déjà exclus. Alors pour plein de raisons d'ailleurs, pas uniquement pour des raisons d'éloignement par rapport à la politique, mais vous avez aussi des étudiants qui ont changé de résidence. Bon, passons, mais 7%. À cela, donc, si on prend l'abstention, vous avez raison, l'abstention aujourd'hui en France, elle s'étage de 20% à la présidentielle. C'est faible à la présidentielle, pour des raisons diverses sur lesquelles on pourrait revenir, jusqu'à, effectivement, vous avez raison, 50-60% à certaines élections. Et attention, là on est sur des totalisations nationales. Quand on descend au niveau des bureaux de vote, on a une abstention qui peut aller jusqu'à 80-85% dans certains bureaux de vote, si on prend évidemment les bureaux de vote des quartiers populaires, à Lille-Sud ou à Roubaix par exemple. Mais par contre, dans certains villages, il y a une abstention qui est extraordinairement faible. Vous voyez, donc ce chiffre, cette totalisation masque beaucoup de choses. Ça dépend beaucoup aussi des élections. Bon, mais en tout cas, on n'a que 10% des gens qui ne votent jamais. Il semble qu'il n'y ait que 10% des gens qui ne votent jamais. Donc ça veut dire que pour le reste, les abstentionnistes sont des abstentionnistes zappeurs. Donc des gens qui se baladent je vote, je vote pas, et qui choisissent en quelque sorte les moments où ils votent ou ils ne votent pas. Bon, parmi ces gens qui ne votent pas, ce que montrent toutes les enquêtes, c'est que l'abstention, elle est fonction du niveau de diplôme. C'est-à-dire que moins on est diplômé, moins on vote, en tendance, en général. D'accord ? Ça veut pas dire que quand on n'est pas diplômé, on vote pas, mais globalement, moins on est diplômé et plus on a de chances de ne pas voter. À l'inverse, plus on est diplômé, plus on vote. Première chose. Deuxième chose, une fonction de l'âge. On sait bien que ceux qui votent le moins, en tendance, ce sont les 18-24 ans. Et si on prend les États-Unis pour décentrer un peu, on sait qu'aux États-Unis, des enquêtes ont montré qu'une part extrêmement importante des 18-30 ans n'était pas inscrite et ou n'avait pas voté pour plein de raisons. Donc ça veut dire que si vous avez des 18-24 ans qui ne votent pas, ça pose des problèmes. D'autant plus que ensuite, l'acte de vote, le fait de voter est une fonction presque croissante de l'âge. C'est-à-dire qu'on vote de plus en plus avec l'âge. En tout cas, on atteint un maximum de participation chez les 55-60 ans. Puis ensuite, en fait, ça continue, puisque les personnes âgées maintenant sont plutôt en forme. Donc elles continuent à aller voter très tardivement. Si vous savez qu'en France, un tiers des électeurs, un tiers du corps électoral, ce sont des retraités. Hein, aujourd'hui, un tiers du corps électoral, ce sont des retraités. Si les retraités, en tendance, votent beaucoup plus par exemple, que les jeunes. D'accord. Ça veut dire que le poids relatif de cette catégorie de population, qui évidemment par ailleurs est très hétérogène, hein, les retraités c'est pas un bloc uniforme, mais ça veut dire que le poids de ces électeurs-là, de cette catégorie d'âge-là en l'occurrence, est très très important et que bien entendu ça a des effets sur les candidats, lorsque les candidats doivent prendre position sur tel ou tel sujet. Il va de soi qu'il n'est pas très rentable pour un candidat qui cherche à gagner l'élection présidentielle, il n'est pas très très rentable de tenir un discours sur à destination des étudiants, qui est une catégorie qui vote pas énormément, en fait, malgré ce qu'on pourrait penser. En revanche, il peut être beaucoup plus rentable de tenir un discours sécuritaire ou un discours sur les retraites, parce que là, pour le coup, vous savez que ces gens se mobilisent. Bon. Alors, une dernière chose, mais je pense que vous avez plein de questions, c'est que, effectivement, une des solutions qui est préconisée par les défenseurs du vote obligatoire, parmi les défenseurs du vote obligatoire, il y en a qui disent quelque chose qui est tout à fait juste, même si moi j'ai plutôt des réticences par rapport au vote obligatoire, c'est de dire le vote obligatoire conduirait tout le monde à voter, et donc ça obligerait les responsables politiques à s'adresser à nouveau à une catégorie à laquelle ils ne s'adressent plus parce qu'ils savent que ce n'est pas très rentable politiquement, qui sont les plus démunis. Puis comme en général, les plus démunis ne votent pas, les chômeurs, les personnes exclues, donc ce n'est pas très important finalement en termes de rentabilité électorale de s'adresser à eux. Si on était sur le vote obligatoire, ça obligerait les partis politiques, et notamment ce qu'on appelle les partis de gouvernement, à se reposer la question de tenir un discours, de faire des propositions et de mettre en place des politiques publiques effectivement adressées à ces catégories-là. Oui, René. Justement, là, vous avez parlé de rentabilité. Ça ouvre aussi la question sur le fait que, pour certains hommes politiques, peut-être pas tous, mais la politique, les élections sont un peu devenues un marché. Alors, ça, c'est lié électeur stratège, électeur, ce qu'on appelle homo economicus, donc électeur qui se comporte un peu comme un acteur économique et qui choisit entre des produits qu'on lui présente dans un supermarché politique, en quelque sorte. Alors, en fait, il y a, si j'allais dans votre sens, je dirais que c'est pas complètement faux de se dire que une partie des dirigeants politiques, on est sur la présidentielle, on est très marqué par ça, bien entendu, mais on va dire sur une élection présidentielle, il va de soi que si on file la métaphore du marché, la métaphore de l'homo economicus, on pourrait dire que on a des candidats qui s'efforcent ciblent des publics très particuliers, dont ils savent que ils vont s'assurer leur vote. Mais plus ils vont s'assurer le vote de ces publics particuliers, plus ils vont s'éloigner d'un score élevé. Vous voyez, donc des stratégies de niche, hein, si on est sur un discours comme cela. Puis d'autres candidats qui vont avoir des stratégies plus qu'on appelle catch-all, donc attrape-tout, des stratégies où ils vont essayer d'aller rechercher des électeurs appartenant à des milieux différents, ayant des attentes différentes, au risque de diluer leur programme politique. Oui, c'est la critique qu'on adresse aujourd'hui à Macron, par exemple, de dire, à force de chercher augmenter ses scores, ce qu'on ne peut pas lui reprocher en termes d'électoral, il court le risque, évidemment, de s'adresser de manière tellement différente à des publics tellement différents qu'à la fin, comme disait Martine Aubry, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup, c'est qu'à la fin, les gens vous disent, mais c'est uniquement du marketing politique. Hein, on est aujourd'hui, évidemment, dans ce risque-là, relayé, bien sûr, par les médias, qui sont très attentifs, enfin, qui sont très séduits par ce type de discours un petit peu séduisant, attrape-tout, de marketing, bien sûr. Consensuel. Consensuel, n'oubliez pas quand même qu'actuellement, celle qui est donnée en tête du premier tour et qui va probablement être en tête du premier tour le 23 avril, c'est pas quelqu'un qui a un discours très consensuel. Même pas du tout, d'accord. Donc Macron, c'est l'inverse peut-être, on va dire. Mais effectivement, mais après, c'est vrai que il faut constater que les responsables politiques, y compris Jean-Luc Mélenchon, sont attentifs à s'adresser à un public et donc à, passez-moi l'expression, marketer leur discours politique. Hein, la stratégie de l'hologramme, la mise en scène des meetings. Il faut aller au meeting. Moi, je vais au meeting avec mes étudiants, on regarde la mise en scène des meetings, le fait de faire son meeting à 19h parce qu'on sait qu'à 20h, le journal télé va peut-être relayer ce qui a été dit. Le fait, aujourd'hui, vous le savez sans doute, pour beaucoup de candidats, d'avoir le contrôle, le monopole des images qui sont tournées et qui ensuite ils mettent à disposition des autres médias de façon à éviter que soit filmé par une salle à moitié vide, etc. Tout ce travail de marketage, la mise en scène, le drapeau, la Marseillaise à la fin, les personnes derrière qui applaudissent, évidemment personnes qui sont de toutes les couleurs, de tout, hommes et femmes, etc., de tous les âges, tout ça participe de la marketisation de l'offre politique. Ça paraît assez évident, oui. Vous évoquiez l'élection présidentielle et Et l'abstention la concernant, l'élection présidentielle, elle n'est pas un peu présentée de façon récurrente comme permettant de se rassurer à bon compte ou du moins de se consoler de nous-mêmes, parce que les chiffres, même concernant la présidentielle, ne sont pas si bons que ça. On est passé de quelques chiffres pour ceux qui nous écoutent. On est passé de 15-3 en abstention à 28-4. Entre 65 et 2002, là, on l'a c'est redescendu à 20,5, mais même autre donnée qui me semble-t-il est encore plus éloquente, 30,2% de participation, 30,2 à l'occasion du référendum sur le quinquennat, et donc 30,2 c'est 12 millions de votants, sur ces 12 millions il n'y en a que 7 millions qui étaient au soutien du projet de loi, donc sur un corps électoral de 46 millions de personnes, on a 7 millions de personnes qui décident d'une modification de la Constitution concernant l'élection présidentielle. Alors, la question qui trouve à se poser, me semble-t-il, c'est est-ce que ce qui nous passionne, ça n'est pas tant l'élection présidentielle en elle-même et pour elle-même, mais plutôt la pantomime électorale qui la précède ? Je suis d'accord. Alors d'abord, vous avez parlé participation à un référendum, participation à la présidentielle, c'est pas la même chose. Et donc si on prend que les élections présidentielles, bon d'abord, en 69, il y avait une très forte abstention au deuxième tour, puisque le Parti communiste avait appelé à l'abstention. Donc il y avait déjà eu un record à l'époque. 15-3, c'est le record du deuxième tour de 74, qui est considéré comme l'élection la plus serrée. A priori, même si c'est faux, parce que la plus serrée, c'était celle de Hollande contre Sarkozy, il faut jamais l'oublier, mais Giscard-Mitterrand en 74. Mais globalement, là où vous avez complètement raison, c'est que je pense que la présidentielle continue à capter l'attention parce que c'est le spectacle par excellence. En réalité, la présidentielle, est telle qu'elle est organisée aujourd'hui, elle est complètement en phase avec les médias tels qu'ils fonctionnent aujourd'hui. C'est The Voice, la présidentielle. Hein. D'ailleurs, la mise en scène même des émissions de présentation des candidats, ça ressemble un petit peu à Question pour un champion. Les émissions politiques, maintenant, il y a des humoristes qui sont invités. On invite un peu n'importe qui pour challenger le candidat. Donc, il y a un côté un peu spectacularisation de ce moment-là. Certains collègues appellent ça la course de petits chevaux. Donc, il y a un côté... Et c'est assez facile à identifier pour beaucoup de citoyens parce que quand il s'agit d'une campagne pour les européennes, les régionales, les cantonales, d'abord, c'est localisé. Puis ensuite, c'est quand même hyper compliqué. Personne ne sait ce que sont les compétences des collectivités en question. La présidentielle, c'est la Ligue des Champions. Donc ça intéresse énormément les gens. À tel point d'ailleurs que lorsqu'on parle de la 6e République et qu'on dit le problème c'est la présidentielle, il faudrait modifier, supprimer l'élection du président de la République au suffrage universel direct. Et je pense que vous et moi, on est assez d'accord avec ça. Je pense qu'on se heurterait. Alors là, si on faisait un sondage là-dessus, on aurait 95% des gens qui seraient contre parce que... ils se sentiraient spoliés d'espèce de droit, puis aussi de cet intérêt-là qui est un intérêt un peu bizarre. Donc vous avez raison, on s'intéresse plus à la course des chevaux qu'à ce qui va se passer après que le cheval ait gagné. Et d'ailleurs, c'est ce que dit beaucoup, notamment dans son dernier bouquin, Pierre Rosanvallon, qui parle de... Il explique que le gros problème en France, c'est qu'on est très attentif à la démocratie d'élection, c'est-à-dire à la compétition, à ce que ça se passe le mieux possible, que ce soit le plus équitable possible quand même, malgré tout, bon, etc. On s'intéresse beaucoup plus à ça qu'à ce qu'il appelle la démocratie de gouvernement. C'est qu'on vote, et une fois qu'on a voté, on s'intéresse plus à ce qui se passe, et on revient 5 ans après en râlant. Et il explique que la solution aujourd'hui par rapport à la panade démocratique, c'est qu'on s'intéresse aussi, nous les citoyens, à la démocratie de gouvernement, c'est-à-dire à ce qui se passe entre deux élections, c'est pendant que les gens gouvernent. Pour revenir à l'électeur stratège, malgré donc l'émergence de cette figure, il n'en demeure pas moins que demeure un certain nombre de déterministes. Vous venez d'évoquer les tranches d'âge. On a aussi un déterminisme qui est très important, c'est celui des inégalités territoriales. Dans les communes urbaines, l'abstentionnisme est parfois extrêmement important. J'avais noté un exemple. Aubervilliers, à l'occasion des dernières municipales en 2014, 76 000 habitants, 26 000 inscrits, 12 000 votants, et donc, considérant le nombre de listes en présence, 4 000 voix nécessaires pour remporter la mairie d'Aubervilliers, 4000 voix sur 76 000 habitants. Oui, écoutez, dans les questions que ça peut poser, vous savez, il y a des questions sur le point de savoir s'il ne faudrait pas, dans toutes les réformes dont on parle, d'ailleurs je ne crois pas qu'on en parle beaucoup, mais de se dire, pour être élu, il faudrait avoir obtenu, bien sûr, 50% ou être en tête, mais aussi une part des électeurs inscrits, pour avoir effectivement une base de légitimité qui soit correcte. Ce qui existe d'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais en France, aux législatives, si vous gagnez au premier tour, donc vous faites 50% au premier tour, mais que vous ne faites pas 25% des inscrits, vous devez quand même aller au deuxième tour. Donc ça veut dire que ça existe plus ou moins, mais vous avez raison, vous pouvez vous retrouver dans des situations comme celle-là, alors que dans le même pays, vous avez Aubervilliers, mais je suis sûr qu'à Guéret, dans la Creuse, vous avez 95% de participation aux élections municipales. Et d'ailleurs, même là, vous allez voir à l'élection présidentielle, on va avoir une participation qui va être de 70-75%, peut-être. Vous allez avoir vous allez avoir 50% dans certains départements et vous allez avoir 90% dans d'autres départements. Voilà, et évidemment, alors, quand vous dites c'est territorial, oui, je pense que c'est une explication de nature territoriale, bien sûr, les zones urbaines et notamment les quartiers les plus populaires, des zones les plus urbaines, c'est ceux qui ce sont les quartiers qui votent le moins. Quand on regarde un petit peu ce qui se passe, quand même le déterminisme en termes de participation électorale, pas de choix à gauche, droite, extrême droite, etc., c'est l'âge et c'est le niveau d'études. C'est que plus on est, plus on est âgé, enfin, et avec un niveau d'études élevé, plus on a de chances de voter. Je dis pas pour qui, mais plus on a de chances de voter. Donc c'est ça quand même l'élément quand même qui reste le plus important. Même quand on habite dans un quartier très ségrégué, si on est diplômé, ben on va voter. Voilà. Donc c'est ça qui reste quand même le plus important. Pour le coup, c'est pas forcément seulement l'âge, en fait. C'est l'histoire de son parcours de vie. Bien sûr. Avec des gens qui sont en galère aujourd'hui, c'est pas forcément les premiers votes, les électeurs, quoi, des choses comme ça. Je dis l'âge est un déterminant essentiel, il va de soi que si vous avez 18 ans, que vous avez quitté l'école, vous êtes un décrocheur et que vous habitez un quartier populaire, vous allez évidemment. Alors là, vous avez 98 chances sur 100 de pas voter, même de pas être inscrit. Si vous pouvez avoir 18 ans, être étudiant à Sciences Po, et là vous allez voter. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc il y a quand même des. Bien entendu, il faut toujours affiner les choses et croiser les variables, comme on dit. Est-ce que le genre est encore un déterminant ou de moins en moins ? Alors le genre, homme-femme, jusque 1974, donc de 45 à 74, les femmes votaient moins que les hommes. Donc explication, c'est processus, disons, d'acculturation au vote. Voilà, donc à partir de 74, les femmes votent autant que les hommes. Et globalement, je dirais qu'aujourd'hui, les femmes votent un peu plus que les hommes. Pour des raisons diverses et variées, au moins pour une qu'il faut toujours avoir en tête, c'est que en France aujourd'hui, les femmes sont plus diplômées que les hommes. Et comme le niveau de diplôme est une variable, une des variables importantes explicatives du vote, les femmes votent un peu plus que les hommes. Jusqu'à une période récente, le vote des femmes faisait que les femmes votaient plus à gauche que les hommes parce qu'elles votaient moins à l'extrême droite. D'accord ? Vous avez compris, oui. C'est en train de changer. C'est qu'en fait, on se rend compte que notamment, une des grandes différences entre le vote Jean-Marie Le Pen et le vote Marine Le Pen, c'est que le vote Marine Le Pen est un vote relativement équilibré homme-femme. D'accord. Oui, je me disais aussi, il y a une époque, Arlette Laguiller, simplement le fait d'être femme avait attiré des votes féminins. Tout à fait. Ouais. Louis ? Oui, donc on évoquait le fait que l'abstention soit plus importante dans les communes urbaines, on évoquait les tranches d'âge avec le fait que les 18-24 ans votent moins, nettement moins même, que les plus âgés. On observe aussi une surreprésentation des catégories d'électeurs les moins affectées par, la précarité et l'instabilité professionnelle. Est-ce que tout ça, ça permet de considérer que l'électorat le plus malmené par l'abstention, c'est l'électorat traditionnel de la gauche ? Eh bien, de la gauche d'avant, de la gauche d'avant. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, l'électorat le plus malmené sur le papier, ce sont les catégories populaires, donc des gens qui ont peu de diplômes et qui exerçaient ou exercent des métiers qu'on va qualifier de dominés dans l'espace social. D'accord ? C'est plutôt ces catégories-là. Ce sont les catégories dans lesquelles on trouve le plus d'abstention et le plus de vote FN aujourd'hui. Quand vous regardez ce qu'on appelle, alors attention, avec toutes les précautions d'usage aujourd'hui, les catégories populaires, parce que franchement, c'est extrêmement hétérogène. Si on prend les catégories populaires, aujourd'hui, on est sur 1, abstention, 2, vote FN. On est et avec une abstention qui est, même pour des intentions d'abstention, qui pour la présidentielle sont au-dessus de 50%. D'accord ? 50% des gens qui s'auto-désignent ou qui sont désignés catégorie populaire, parce que parfois on s'auto-désigne alors que c'est pas le cas, ou alors on est désigné parce qu'on vous dit vous faites quoi dans la vie. 50% disent ne pas avoir l'intention d'aller voter, et parmi les 50% autres, on est autour de 42-43% dans les enquêtes, avec toutes les, c'est comme des sondages, donc il faut être prudent, 40-42% sur un vote FN. D'accord. Donc ça veut dire aussi, vous ne m'avez pas posé la question, mais j'y réponds, c'est que il y a une vraie difficulté des partis de gauche, y compris de la gauche assez à gauche, notamment Mélenchon, à aller saisir le vote des catégories populaires. Le vote de la gauche qu'on va qualifier de radical n'est pas un vote des catégories populaires, comme pouvait l'être évidemment le vote pour le Parti communiste, bien entendu. D'autant que, je peux revenir sur ce que disait René tout à l'heure, d'autant que la télé, les médias excluent complètement les catégories populaires de leur cible populaire. Alors, si on prend que la télé, en fait, il faudrait distinguer les émissions politiques. Il y en a beaucoup moins qu'avant déjà. Il y en a beaucoup moins que les plus anciens autour de cette table se rappellent. Et à une époque, il y avait beaucoup plus d'émissions politiques. Donc il y en a beaucoup moins qu'avant. L'audience de ces émissions s'est cassée la figure. Il y a beaucoup moins de gens qui regardent. Et puis souvent, c'est ce qu'on appelle de l'exposition sélective. Ceux qui regardent les émissions politiques les regardent pour se conforter dans des choix qu'ils ont déjà faits. Donc ça veut dire que la plupart des gens, quand ils disent c'est la télé qui m'informe en matière politique, c'est pas les émissions politiques, c'est le journal de 20h ou 13h. Vous comprenez qu'il y a déjà une vision déformée de la politique, d'accord ? Donc ça veut dire que c'est la manière dont globalement TF1 va ouvrir son journal de 20h. C'est ça qui est l'élément d'information majeur aujourd'hui de beaucoup de citoyens. Donc ça veut dire que ça peut avoir des explications ensuite en termes de préférences politiques. Alors pour contrebalancer un petit peu tout ce qu'on a dit sur l'abstention, il n'en demeure pas moins que l'abstention doit être regardée pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un phénomène complexe, une donnée fantôme dont qu'on ne peut pas regarder de façon monolithique comme le stigmate d'un déficit démocratique. On peut s'abstenir après y avoir mûrement réfléchi, comme on peut se rendre impétueusement aux urnes guidé par des affects, des passions, des préjugés, des postulats erronés, etc. On peut être un abstentionniste très sérieux et un électeur pas sérieux du tout, si vous voulez. C'est-à-dire qu'en gros, on peut aller voter, passez-moi l'expression, n'importe comment, en arrivant dans le bureau de vote et en prenant les bulletins comme ça et en disant tiens, plouf plouf, je vais voter. C'est vrai, j'exagère à peine. Hein. Et puis d'un autre côté, on peut prendre une décision extrêmement civique de ne pas aller voter, ou de voter blanc ou de voter nul, hein, bien entendu. Hein. Alors ça a beaucoup changé, parce que vous avez raison d'y insister, parce que longtemps on a été dans des discours très dévalorisant de l'abstention en disant de toute façon l'abstention ce sont des gens qui sont pas sérieux, qui à la limite ne mériteraient pas d'avoir le droit de vote, donc en gros des pauvres qui ne se rendent pas compte quand même de l'importance de la démocratie et de l'acte de vote. On se rend compte aujourd'hui que dans l'abstention, en fait cette abstention c'est quand même quelque chose de très complexe, de très hétérogène. Vous avez évidemment des gens qui ne votent pas parce qu'ils sont complètement largués par la politique, ils n'y comprennent rien, donc pour cela c'est un peu l'analyse traditionnelle, c'est vraiment un élément explicatif d'une dépossession par rapport à la politique. Mais vous avez aussi des gens très diplômés. Vous avez des gens très intéressés à la politique et qui, par exemple, considèrent que l'offre politique qu'ils auraient faite le jour du vote ne correspond pas à leurs attentes. Ils ne trouvent pas, hein, si on continue sur ce que disait René tout à l'heure, sur la métaphore un peu du marché ou du marketing politique, ils ne trouvent pas dans l'offre politique qu'ils auraient proposée ce qui correspond à leurs attentes, ou alors ils sont déçus de la campagne et ils ne votent pas. Et ils ne votent pas. Donc on a des abstentionnistes très rationnels dans leur comportement d'abstention. Sauf que souvent, ces abstentionnistes-là ne sont pas des pros de l'abstention. L'élection suivante, ils vont y aller, par exemple. Vous voyez, ils vont faire ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est des zappeurs. Ils vont venir, ne pas venir, voter blanc, voter nul, s'abstenir, voter, etc. etc. René, bien sûr. Oui. Justement, à ce sujet, est-ce qu'on peut souligner la différence entre le fait de voter blanc ou nul, donc quand même de se déranger jusqu'au bureau de vote, et le fait de s'abstenir en restant chez soi ? Parce qu'il y a quand même là une différence à faire remarquer. Alors, vous avez raison, il n'y a pas beaucoup encore d'enquêtes là-dessus où on arriverait à distinguer entre blanc et nul, et même entre blanc au sein, entre ceux qui votent blanc et ceux qui votent nul déjà entre eux là, parce que bon, c'est en plus c'est pas tant de monde que ça, donc il faudrait arriver à enquêter sur ces gens-là, c'est pas facile à faire sur le plan pratique. Des abstentionnistes, vous avez raison, mais globalement moi, je pense que c'est parmi les gens qui vont aller voter blanc ou qui vont aller voter nul, et on le verra peut-être au deuxième tour de la présidentielle selon qui est qualifié pour le deuxième tour, c'est des gens qui qui l'abstention, c'est, je pense qu'effectivement l'abstention, c'est pas la même chose que le fait d'aller voter et de voter blanc ou nul. À titre personnel, là c'est une intuition personnelle. Je peux pas le prouver, mais je pense que c'est pas la même chose. Je pense que aller voter blanc ou nul, mon hypothèse, c'est que c'est, par exemple, chez des personnes âgées, plus âgées, qui ont une forme d'attachement à la démocratie, qui disent voter, c'est important de voter, voilà. Mais alors que l'abstention, c'est peut-être plus, mais je fais des hypothèses comme ça en l'air, plus des plus jeunes qui n'ont pas encore manifesté encore autant que cela leur attachement à l'acte de vote. Voilà. Mais globalement, oui, c'est deux manières assez différentes d'exprimer un malaise par rapport à l'offre politique. Mon droit de vote, je le garde, même voilà. Si je vote blanc. Exactement. Et puis, à quoi ça sert de voter ? De toute façon, on n'en parle plus des blancs très vite. Enfin, quand on fait les résultats des élections, c'est 55-45, 56-44, mais c'est jamais combien de personnes ont voté. Pardon. Oui. On évoquait tout à l'heure les médias et les sondages. Pour revenir sur cette question des sondages, concrètement, est-ce qu'il vous paraît nécessaire ou ne serait-ce qu'opportun d'interdire les sondages d'opinion ? Et je précise bien d'opinion, puisque c'est eux qui sont le plus souvent mis en cause de par la fragilité des données qu'ils exposent. Et cette fragilité contraste avec avec l'importance que peuvent des conséquences. Beaucoup d'acteurs politiques déterminent leur stratégie 3 ans avant une élection parce que, alors que ça n'a pas de sens, on a demandé à 500 sondés ce qu'ils pensaient des élections qui allaient avoir lieu 3 ans plus tard. Quand vous parlez de sondage d'opinion, c'est de dire est-ce qu'il faudrait interdire les sondages qui demandent aux gens pour qui ils veulent voter ? D'abord, je pense que c'est injouable dans notre système politique. C'est injouable dans le sens où il y a une telle. C'est comme l'élection présidentielle. Les gens, en fait, on est tous schizophrènes. C'est-à-dire qu'en fait, on dit tous, notamment quand on est intéressé par ça, on dit non, attention, méfions-nous des biais des sondages. Et puis dès qu'il y a un sondage qui est très favorable à son champion, on dit ah, vous avez vu ce sondage, il est très favorable à son champion. Non mais on le voit en ce moment sur les réseaux sociaux, chez notamment les soutiens de Benoît Hamon. Hop, d'un seul coup, hop. Et puis quand le sondage est moins bon, là le sondage est biaisé. Donc il y a quand même oui, ça tourne un peu au ridicule. Donc, moi, je pense que ça pose des problèmes techniques. Je pense que les sondages peuvent être extrêmement bien faits, dès lors que le panel est important, dès lors qu'on pose des questions précises, qu'il n'y a pas d'ambiguïté sur les questions. Je pense que les sondages peuvent être très, très bien faits. Le problème des sondages aujourd'hui, il y en a deux, et je vais très vite parce que je sais qu'on doit accélérer, c'est un, que beaucoup de sondages sont techniquement défectueux et problématiques, notamment parce qu'ils se sont faits très vite pour répondre à une attente très rapide. Il y a un homme politique qui passe à la télé un soir, il faut que le lendemain matin il y ait un sondage, donc les instituts de sondage disent oui, parce que ce sont des entreprises économiques, donc elles disent oui pour avoir le marché, elles font n'importe quoi, elles enquêtent sur 500 personnes par internet, avec énormément de biais. Donc ça c'est le premier type de problème qu'il y a, même si par ailleurs techniquement il peut y avoir des choses très bien faites dès lors qu'on se donne les moyens de les faire, qu'on met du fric pour les faire, qu'on se donne le temps de les faire. Donc je prends l'exemple de ce que fait le Cevipof avec Sopra, etc. bien sûr. Puis par ailleurs, il y a le vous m'avez pas posé la question, mais je sais que vous y pensez, c'est les effets d'influence que les sondages peuvent avoir sur des citoyens. Je pense que les fameux, pour boucler la boucle avec notre électeur stratège du début de l'émission, je pense qu'il y a, dans la stratégie d'un électeur, il y a le fait de regarder les enquêtes d'opinion et de se dire, bon ben, oulala, qu'est-ce que je pourrais faire pour que mon vote ait du sens. Donc là, il y a les fameux deux effets qui ont été proposés par des politistes américains. Bandwagon ou underdog, donc je vais très vite pour les auditeurs. Bandwagon, c'est je vais tenter d'aller voter pour un candidat dont on me dit qu'il va gagner, parce que comme ça je vais avoir l'impression d'avoir contribué à la victoire de celui qui va gagner. Ou alors à l'inverse, underdog, c'est que je vais me distinguer, je ne vais pas justement, je vais faire l'inverse. Bon, ça existe, on pense que ça existe, mais on ne sait pas l'influence du tout que ça peut avoir en réalité. Voilà. Voilà, on a fini. Merci pour cette... Enfin, il fallait effectivement parler du Cevipof quand même, qui est... là, c'est du sondage à 15 000, 18 000 personnes, tous les mois, je crois. Tous les mois, donc ça veut dire 0,3% de marge d'erreur. Voilà, c'est quand même... Ça commence à ressembler à quelque chose. Oui. Ok, merci beaucoup, Pierre Mathieu, d'être venu nous apporter un certain nombre d'éclairages dont on avait bien besoin. On va passer à une petite musique, Florent. Répondre à vos ambitions. Contactez-moi, n'hésitez pas, venez vous-même de ce pas, assistez à mes réunions, j'habite à l'hôtel Maquignon. Passons à la préparation de l'élixir d'élection, les ingrédients même avariés devront avoir un goût sucré. prévoir 3 cuillerées de miel pour atténuer le goût de fiel. Ajouter une langue de bois pimentée de mauvaise foi. Muni de ce filtre magique, engagez-vous en politique en vous lançant ami lecteur dans l'élevage des lecteurs. Sélectionnez avec grand soin tout ce dont vous aurez besoin. Soyez attentif à la race des pigeons, moutons ou bécasses. Pa-la-pa-pa-la, pa-la-pa-la-pa-la, pa-la-pa-la-pa-la, pa-la-pa-la-pa-la. N'oubliez pas de bien gaver vos pigeons avant de les plumer. Vous tondrez vos moutons de même pour tricoter vos bas de laine. Le dites à tous ces agnolets que les discours qu'ils veulent entendre, faites-leur boire du petit lait en les abreuvant de mots tendres. Pour rassembler votre troupeau, en plus de drapeaux comme à peau, achetez, c'est du dernier chic, des apprentis apparatchiks, à pâter avec l'eau sa moelle, caresser dans le sens du poil. Vous verrez ces polis petits chiens venir vous manger dans la main. Vous devrez conditionner les produits de votre élevage. Le prêt à cuire est conseillé, veillez surtout à l'emballage. Pour la cuisson ça va de soi, vous saurez faire feu de tout bois. Servez-le tout même réchauffé, bien sûr, à tous les râteliers. Si vous avez aimé mes farces pour attraper de beaux dindons, si à vos yeux j'ai trouvé grâce, vous pouvez m'envoyer vos dons. Participez à la bonne cause, je ne prends pas amis lecteurs, ni chèque en bois, ni pièce rose. Gardez-les pour vos électeurs. C'était l'élixir d'élection de Éric Lenoir. Et donc on passe à l'actualité d'Attaque. Exactement, avec René. René, tu vas d'abord nous dire 1 million d'emplois pour le climat. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Alors, c'est le titre d'un rapport dont Attaque est co-signataire avec, entre autres, les Amis de la Terre, Alternatiba, le réseau Action Climat, Solidaire, etc., et qui montre qu'il est possible de créer d'ici à 2020 1 million d'emplois nets dans les secteurs liés à la transition écologique pour un coût total de 105 milliards d'euros, en adoptant dès cette année 7 mesures pour rendre cette proposition effective. Cela permettrait de traduire en acte les résolutions de l'accord de Paris de décembre 2015, tout en apportant une solution à la crise sociale. Ce n'est pas l'argent qui manque, mais la volonté politique. On va dire comme ça, effectivement, c'est bon, l'écologie commence à prendre un peu de poids dans la campagne électorale, c'est pas malheureux, et la transition écologique également. Mais on a toujours des dossiers et des gens qui ont des cadavres dans le placard avec l'évasion fiscale. Ah oui, alors justement à ce sujet, Attaque France a sorti un dossier qu'elle a mis en ligne sur son site et qui comprend une série de 7 articles sur l'évasion fiscale, avec quelques rappels sur ce phénomène, les principaux scandales, le rôle des lanceurs d'alerte, ce que font les pouvoirs publics, ou ce qu'ils ne font pas, et enfin, en conclusion, les mobilisations et perspectives de lutte. D'accord, mais le chiffre 7 devient emblématique, là, 7 mesures pour rendre la proposition des 2 millions d'emplois effectifs, ou cet article pour l'évasion fiscale. Bon, je plaisante. L'Université européenne des mouvements sociaux, qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, cette année, l'Université d'été des attaques d'Europe, encore appelée Université européenne des mouvements sociaux, aura lieu à Toulouse du 23 au 27 août. Elle se tiendra à l'université, donc Toulouse Jean Jaurès, et sera l'occasion d'échanger et de coordonner les mobilisations contre les accords de libre-échange, pour la justice climatique ou encore pour désarmer les marchés. D'accord, donc ça c'est fin août. Hein. C'est ça. On retient les dates. Évidemment, cette semaine, le 15, il y a eu le vote à Strasbourg de la ratification par le Parlement européen du CETA. Oui, donc le Parlement européen a adopté donc ce fameux traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, appelé CETA, par 408 voix pour, 250 voix contre et 33 abstentions. Désormais, 90% de ce traité va entrer en application provisoire à partir du 1er mars, sans approbation bien sûr des parlements des États membres. La phase des ratifications nationales commence à partir de cette date du 15 février. Et ce sont 38 parlements nationaux ou régionaux qui vont devoir se prononcer sur le traité pour qu'il soit définitivement validé dans l'ordre juridique européen. À ce sujet, il faut remarquer que les trois quarts des eurodéputés français ont voté contre le CETA. Cela fait de la France le pays à la pointe de la mobilisation contre ce traité. Mais attention! La période actuelle, je vous le rappelle, est pleine d'incertitudes avec les élections présidentielles en perspective et les divers rebondissements de l'actualité politique. Et ces faits ne sont sans doute pas étrangers aux résultats de ce vote. De même que ne sont pas étrangers aux résultats de ce vote, la grande partie des électeurs au Parlement européen, c'est quand même le Front National, il ne faut pas l'oublier. Oui. Quoique le PS était bien représenté parmi les contre. Les 12 PS ont voté contre, effectivement. Oui. Alors ce même jour, le 15 février, plusieurs centaines de manifestants venus de toute l'Europe ont défilé dans le centre de Strasbourg pour se rassembler devant le Parlement juste avant le vote. Plusieurs actions et animations ont été menées en parallèle, comme la manif aquatique de Greenpeace aux abords du Parlement. Enfin, pour résumer les déclarations des porte-parole des organisations, on peut dire ceci, les membres du Parlement ont cédé aux arguments des lobbies. C'est une décision lourde de conséquences, mais qui n'affaiblit en rien notre détermination à faire échec à ce traité. Maintenant, le but est de faire échec aux ratifications nationales. Bien sûr, on a encore du boulot, René, on a encore du boulot. Oui, et justement, bon, pour la France, Jean-Michel Coulon, d'Attaque, rappelle qu'une résolution a été votée par l'Assemblée nationale il y a une semaine environ et qui appelle à une consultation publique authentique avant la ratification. Alors, quelle que soit la majorité politique qui sera élue, si elle veut respecter la démocratie, elle devra organiser un véritable débat. Bon, on va s'arrêter là. S'il y a un mot sur la deptocratie? Oui. Puisque ça nous concerne tous les deux. Alors, ce 9 février, le 9 février, Attaque Lille est intervenu dans le débat la projection débat sur le film La Deptocratie. Voilà, Deptocratie proposée par l'association David. Voilà, donc. Bon, c'était sur les dettes publiques et notamment la Grèce. Donc, Christian, je crois que tu as. Oui, alors. Quelques éléments sur ce sujet. En effet, un Deptocratie, un reportage très complet sur la crise grecque et qu'on peut télécharger, ce qui ne gâche rien. Faites-le, vous allez voir, vous n'allez pas être déçus, c'est très pédagogique, très clair. Ben, nous faisions remarquer à l'auditoire que le FMI commençait à renacler sur sa participation au remboursement de la dette, puisque dans ses principes, le FMI entend prêter à un pays en difficulté que si ses experts estiment que le pays sera en mesure de rembourser. Principe sur lequel le FMI s'est assis au moins deux fois, dans le cas de la Grèce, en 2010 et en 2012. Mais là, le poids de la dette est tel, le FMI pensait déjà en 2010, entre parenthèses, que les solutions proposées n'étaient pas viables. Faut le faire. Aujourd'hui, nous sommes à l'avant-veille, le 20 février, je dis bien à l'avant-veille, de la deuxième négociation du troisième référendum entre les financeurs et la menace du retrait du FMI semble plus sérieuse. Alors quoi? Eh bien, on peut risquer deux hypothèses. Le FMI se contente de montrer les dents et s'aligne sur la position qu'a toujours eue sa directrice de suivre les orientations de l'Eurogroupe, orientation qui lui est reprochée d'ailleurs à la directrice en question. Auquel cas, dorénavant, tout sera comme d'habitude pour les Grecs. Ou bien le FMI met sa menace en exécution, c'est-à-dire qu'il ne participe plus au financement. On peut imaginer une démission de Lagarde, mais ça, on s'en fout complètement. Mais ça pourrait surtout être pire pour les Grecs. Puisque le FMI menaçant de ne plus participer au financement, là, les Grecs vont se retrouver seuls face à leurs créanciers. Et là, plus question jamais de rééchelonnement ou d'allègement de la dette. Mieux, je devrais dire pire, commence à se profiler le vœu de Schäuble, le ministre des Finances allemand, d'exclure la Grèce de la zone euro et de l'euro, pardon, pour 5 ans, ce que lui avait refusé Merkel en juillet 2015. 5 ans, autant dire définitivement, vu le poids de la dette. Ah, triomphe de Schäuble, il aura tout gagné, puisque la Grèce aura tout perdu, sans doute la plus belle érection de sa vie au ministre des Finances allemand. Tsipras, lui, de son côté, aura tout perdu. Il n'a rien obtenu de tout ce qu'il a essayé de négocier, rien, jamais. Maintenant, il risque de perdre l'Europe et les Grecs avec lui, lui qui est né en Europe en 1974 et qui a toujours cru en elle, c'est d'ailleurs sa principale faille. S'il y a encore quelqu'un pour dire que l'Europe était une ère pacifiée, ouais, peut-être Moscovici. On passe à l'agenda militant. Donc 4 rendez-vous sur le thème des technologies de l'information et de la communication. Le lundi 20 février à 19h30 au Café Citoyen, présentation de Mycelium, un projet de fournisseur d'accès Internet associatif sur la métropole lilloise. L'association cherche à construire un Internet non marchand et solidaire qui encourage les usagers à reprendre le contrôle de leurs données personnelles. Atelier de formation sur l'autodéfense numérique le samedi 25 février à 15h à la maison des syndicats de la CNT, 32 rue d'Arras à Lille. Service de renseignement des États, multinationales du web, employeurs, voire proches indiscrets. À l'heure de l'omniprésence du web, de nos vies, nous sommes tous et toutes fichés et surveillés. Cependant, il existe des méthodes qui permettent de limiter les dégâts. Et donc, au cours d'un atelier pratique destiné aux débutants et débutantes, vous découvrirez les principes généraux des techniques de fichage et de surveillance. Puis vous manipulerez quelques outils permettant de s'en protéger sur ordinateur et téléphone mobile. Donc pensez à rapporter vos ordi et téléphones. Discussion autour de la construction de logiciels libres le jeudi 2 mars à 18h30 à la Mresse de Lille. Donc vous êtes les bienvenus, que vous soyez développeur ou non. Un grand mythe autour de l'informatique, il y a un grand nombre de mythes qui entourent l'informatique et vous pourrez voir en quoi c'est une pratique ordinaire dont l'approche artisanale nourrit ses savoir-faire et ses outils. Organisé par les Amis du Monde Diplomatique, rencontre l'Empire de la Surveillance le vendredi 10 mars à 20h au Théâtre de la Rose des Vents de Villeneuve-d'Ascq. Invité François de Bernard, philosophe et consultant qui anime le réseau transnational du groupe d'études et de recherche sur la mondialisation GERM. 2 autres rendez-vous de solidarité. Rassemblement de soutien à une déboulonneuse le mardi 21 février dès 13h devant le tribunal de grande instance de Lille. Une déboulonneuse anti-pub comparaîtra pour avoir écrit à la bombe de peinture « Gare à la pub » sur un panneau publicitaire. Elle sera également jugée pour refus de prélèvement d'ADN. Cette action de désobéissance civile étant assumée. Projection rencontre de Fajara. Calé sur les chemins de l'espoir, au cinéma L'Univers le mercredi 8 mars à 19h30, en présence de la réalisatrice. Dans ce film, nous faisons immersion dans le camp, témoignage, vie quotidienne, solidarité, violence étatique, expulsion. Varadja est aussi porteur d'espoir pour tous ceux et celles qui tentent de passer la frontière pour aller en Angleterre. Et pour finir, débat rencontre sur thématique économique, le 11e opus du cabaret d'actualité En attendant le grand soir au théâtre de la Verrière à Lille le lundi 27 février à 19h30. Donc ça sera avec Jean Gadré qu'on connaît bien ici. En effet. Et René aura certainement quelque chose à dire de plus. Peut-être une info de dernière minute, puisque je parlais du CETA. Cet après-midi, place de la République à Lille, pour 14h30, nous organisons un événement auquel chacun peut participer, peut venir. Donc vous êtes invité. Donc place voilà. De la République, Lille, 14h30. Et voilà. Et les alternatives au CETA. Et voilà.